Situations out the door, so grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get it. pense pas, mais fais le bon choix. N'hésite pas à tout laisser, abandonner et sans tricher. Fais-les sans pas, si t'y crois pas, mais fais le bon choix. Tout doucement s'en mêler. C'est pas comme ça que tu m'auras. Mais fais le bon choix. C'est pas le genre de la maison. Il faut que tu saches ce qui est bon. T'es mal barré quand t'as plus pied. Sois sûr de ton choix. Tout doucement s'en mêler. Pas à pas se dévoiler. Et ne jamais s'arrêter. T'as fait le bon choix. Tout doucement se parler. Le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Now to long ago, I was dancing the

Yeah. chaque samedi à 21h sur Sorgia FM.

Vendredi, samedi, 21h, 23h. Début calme, et puis là, c'est plus rapide. Bonne soirée à vous. Dragon Bullman, version trance. Ça donne, hein, ça donne bien. Darud, à suivre. After all, don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Oh. FM, Tangier FM, Tangier FM, Tangier FM, Tangier FM, le mix de Ludo, le mix de Ludo, le mix de Ludo, le mix de Ludo. le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Oh,

Thank you. when you get that feeling. You gotta take the music and feel the healing. une bonne soirée à l'écoute de Sorgi FM. On se retrouve la semaine prochaine. Nouvelle édition, 21h-23h, vendredi. Et sinon samedi également, 21h-23h. One more and more, freedom and love. What he's looking for. Ludo in the mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Everybody dance in the field. à 21h sur Sorgia FM. Okay. Ludo in the mix, Ludo in the mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM.